100% rap français, planète rap. La Nocturne. C'est parti pour La Nocturne, 100% rap français. Bienvenue à nos amis du grand froid, du Canada. Kujo, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça fait plaisir de t'entendre. Alors Kujo, juste, ça fait des mois qu'il me tanne en disant j'ai un artiste là, c'est un truc énorme. Ouais, c'est ça, hein, c'est énorme. En fait, ça fait 3 ans que je bosse avec le jeune. Il s'appelle Missa. Missa. 19 ans. Mmh. On va le laisser se présenter. Ça va bien, Missa? Très bien, très bien. Bah, écoute, bienvenue, tu viens d'où? Merci. Donc, je viens du Canada, en fait, du Québec. Et puis, ouais, voilà, Missa, 19 ans. Rappeur français, donc ça kick, ça chante. Je fais un peu de tout dans le domaine du rap, R&B, donc voilà. Il y a un projet qui est sorti qui s'appelle Nouveau Rebeu. Ouais, exactement. On peut le trouver, celui-ci. Ouais, on peut le trouver sur internet. C'est un 5 titres en fait gratuit qui se retrouve sur Haute Culture. Donc voilà, sinon ça peut se retrouver sur tous mes réseaux sociaux, donc Missa officiel, Twitter, Facebook. Et ben on va faire découvrir à la France entière Missa, en tout cas je suis content de te recevoir. Comment on dit d'ailleurs, je t'ai pas sauté, bonne année 2015. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Merci. Comment on dit au Canada, Kujo? Tabernacle, bonne année, un truc, non? Tabernacle, <c'est... rire> En fait, au Canada, soit on a l'accent typique local, ouais, ou on a l'accent du roi Enoch, t'entends? Ouais, c'est ça. Missa, ça va, hein? Pas trop, hein? Ouais, non, ça va, C'est un truc que tu travailles devant ta glace tous les matins, merde. Non, même pas, en fait, comme moi je suis algérien à la base, à la maison on parle comme ça, hein. Après, mais t'es né au Canada ou... Non, je suis né en Algérie. T'es né en Algérie? Ouais. Et t'es arrivé en Algérie, t'es arrivé au Canada à quelle époque? Je suis arrivé en 2000, donc j'avais 5 ans. 5 ans, ouais. Bon, ça va, ils sont sympas les Canadiens? Ouais, bah oui, c'est sympa. Ils sont cool? Ouais, bah oui. Bon, Kujo avec nous, juste pour présenter aussi Kujo 2 secondes, c'est un garçon que vous avez forcément entendu de ses prods. Rappelle-nous un petit peu, Kujo, les prods que t'as signé et qu'on connaît évidemment ici dans le rap français. Ouais, écoute, j'ai fait beaucoup de prods, j'ai beaucoup travaillé avec Rof, avec Booba. Exemple pour Rof, j'ai fait Paris, Repris de Justesse, La Résurrection, Star Focus, Booba, j'ai fait du Beef. J'ai fait des trucs pour Youssoupha, Soprano, 995, Sadek, etc., etc. Là, je bosse beaucoup avec Missa. Ouais, j'ai beaucoup de prod, hein, je suis content. Et en fait, faudrait citer ceux avec qui j'ai jamais bossé. Tu les citeras tout à l'heure. Bon, est-ce qu'on n'écouterait pas un morceau quand même pour avoir un petit aperçu de ce que fait Missa maintenant? On débute avec quoi, messieurs? On va débuter avec Première Fois. Première fois. Ouais. Allez, c'est parti. C'est La Nocturne, 100% rap français, Missa au contrôle. Allez cliquer, découvrez. C'est M-I-S-A. La première fois que j'ai vu Scarface, je voulais m'appeler Sosa, ça sale. Mon monde est à moi, mon meilleur pote va me lâcher pour une tatatasse. La première fois que j'ai fait un texte, je me suis dit ça c'est pour moi, waouh, wallah, j'avais dit. Puis Jelly me disait vas-y comme ça. La première fois que j'ai vu la tombe à GD, là je me suis dit merde, Allahu Akbar, la irahmo, la vie est glacée comme l'hiver. La première fois que j'ai vu une pute, la dernière fois que j'ai vu un pote, la clé de leur défaite sera celle qui t'ouvrira les portes. La première fois que je t'ai vu tomber, j'ai réalisé que j'étais debout, je leur tends la main et me la coupe, m'alléger le flow, j'aime elle de pose. La première fois que j'ai vu une schneck, je me suis dit bla ça c'est le rap game. Je suis rentré dedans 2 fois plus fort, vous verrez pas le bout du tunnel. La première fois que j'ai vu Rocky, j'ai voulu boxer toute la terre. Avec ou sans Adrian, je tire et je soulève mes haltères. Je les écoute pas, je serai dans le din, le jour où je mettrai genoux à terre. Je les écoute pas, je serai dans le din, le jour où je mettrai. Tu nous verras pas en boîte. Dans la musique, on fait notre crack. Ouais. Toutes les nuits on est au stud. Oh. On ferme nos gueules, on fait nos trucs. Ouais, mon équipe un peu au-dessus. Ah. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Kamoska, je peux me. Tout ça, ça viendra après. Tout ça, ça viendra après. Tout ça, ça viendra après. Ah. Chaque fois c'est la première fois, chaque fois c'est la première fois, chaque fois c'est la première fois. Kamoska, je peux me, tout ça, ça viendra après, tout ça, ça viendra après, tout ça, ça viendra après. La dernière fois que j'ai vu Scarface, je voulais rentrer dans le din din din. Fuck Nino Browns et Pequeño, verbal kin kin kin kin kin. La dernière fois que j'ai fait un texte, je me suis dit putain, je crois en moi, waouh, wallah, ça fait 5 piches que je t'avoue, vous verrez le résultat. La dernière fois que j'ai vu Gita, elle m'a dit t'as bien à l'école, la musique c'est pas sérieux. Si tu veux que ton compte y décolle. La dernière fois que j'ai vu une meuf, elle m'a demandé quand est-ce que je perce. Et j'ai dit dans le rap game, je sais pas trop, mais pour toi ça va pas tarder. Des potos qui parlent trop, je m'en m'en éloigne le plus possible. Les chiens qui font trop de bruit sont très souvent les plus dociles. La dernière fois que je suis tombé, je me suis pas relevé tout de suite. J'ai profité de la vue d'en bas, car toute ma vie j'y retournerai pas. La dernière fois que j'ai vu Zahir, j'ai juré d'y retourner prospère. Juré que je serais un peu au-dessus, que ma sale gueule serait sur des posters. Je les écoute pas, je serai dans le din, le jour où je mettrai genoux à terre. Je les écoute pas, je serai dans le din, le jour où je mettrai. Tu nous verras pas en boîte. Dans la musique on fait notre crack. Ouais ouais. Toutes les nuits on est au stud. Ah. On ferme nos gueules, on fait nos trucs. Ouais ouais, mon équipe un peu au-dessus. Ah. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Comme on se cache de me. Tout ça, ça viendra après. Tout ça, ça viendra après. Tout ça, ça viendra après. Ah. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Quand on se cache, je peux me. Tout ça, ça viendra après. Tout ça, ça viendra après. Tout ça, ça viendra après. Quand on se cache, je peux me. Quand on se cache, je peux me. Tout ça, ça viendra après. Quand on se cache, je peux me. Quand on se cache, je peux me. Quand on se cache, je peux me. Tout ça, ça viendra après. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Chaque fois c'est la première fois. Light click un peu au-dessus. Light click un peu au-dessus. C'est light click un peu au-dessus. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Light. Ok. Je suis pas du genre à mentir sur ma vie dans mes couplets. Je trace ma route et s'il m'écoute que Dieu soit loué. J'ai passé des heures à passer mes feuilles, à ne pas passer mes cours. J'ai pensé à passer la balle mais je prendrai aucun détour. Ouais poteau, je sais pas si ça va marcher. Et je me demande si ce pour qui ça a marché se le demandait aussi. Je suis reconnaissant face au fait que vous l'êtes plus que moi. Et à chaque son sur mes épaules y a plus de poids. Misa, si j'étais toi j'irais. Ouais mais t'es pas moi mon rebeu. T'étais pas là au début. Quand Vince, Osama et Cham disaient que j'étais au-dessus, j'étais souvent déçu. Je prends du recul et je me dis que c'est que le début de mon vécu. J'imagine si je pouvais recommencer. Les mêmes choix, les mêmes potes qui m'ont tellement aidé. Et j'ai le choix, la vie est devant moi. J'imagine, demain c'est loin mais pas tant que ça. Demain c'est loin mais pas tant que ça. Donc imagine. Ouais j'ai toute la vie devant moi, toute la vie devant moi. Toutes les promesses que j'ai entendues. Si je venais pas là d'où je viens, j'aurais tout cru. Ils m'auraient bouffé tout cru. Tu sais ce que ça fait d'avoir 50 sons sur le côté. Tes potes qui disent les lâcher. Ta mère qui dit que bientôt faut arrêter. J'aime pas me fâcher, donc je me tais. Tu liras sur mon sourire une fois que j'aurai percé. Je suis pas un criminel, mais t'inquiète. Si je fais un son dur, sache que j'assume bien le texte. Et si je te dis que je vais les ken, c'est que je suis sûr de mon plan. Je vois le top et je me dis que j'en ai plus trop pour longtemps. Tant que je suis payé content et que mes parents sont contents, je tiens le coup en attendant barrer d'ici, c'est tentant. J'imagine si je pouvais recommencer. Les mêmes choix, les mêmes c'est potes ça, qui m'ont tellement aidé. J'imagine. Et j'ai le choix, la vie est devant moi. Remix arrive. J'imagine, demain c'est loin mais pas tant que ça. Demain c'est loin mais pas tant que ça. Donc imagine. Ouais j'ai toute avec la vie devant très, moi très toute la vie de devant français. Moi J'imagine si je pouvais recommencer. Les mêmes choix, les mêmes potes qui m'ont tellement aidé. On est sur la nocturne. Salutations la en Fred. Moi. J'imagine, demain c'est loin mais pas tant que ça. Demain c'est loin mais pas tant que ça. Donc imagine, ouais j'ai toute la vie devant moi. Toute la vie devant moi. C'est Missa au contrôle de la nocturne avec un album, enfin un album ou comment on dit au Canada, un EP, Max, EP, ouais. EP plutôt EP, voilà, EP qui est dispo sur un site de téléchargement, c'est ça hein. Ouais, exactement. On peut y aller, on peut cliquer, vous retrouverez donc ce morceau qu'on écoute à l'instant, j'imagine. Toi, Missa, la première claque rapologique, c'était qui? C'était quoi? C'est plutôt alors comme tu viens du Canada, Québec, ouais. Plutôt américain, je suppose. Ouais, exactement. Première claque en fait, c'était les 50 Cent, les Eminem, tout ça. Après premier CD que j'ai acheté, c'était un CD de DMX qui s'appelle Grand Champ. Donc voilà, c'était ma première claque. Et le rap français, il y a quand même une oreille qui est attentive au Canada. Ouais, c'est clair. Moi, le premier CD de rap français qui m'a claqué, c'était Mafia Qu'un Free, la cerise sur le ghetto. Donc, ouais. Donc ça, ouais, t'as écouté. Ouais, là, j'ai entendu une petite référence à IAM aussi, donc forcément un peu de IAM. Ouais, exact. Ouais. En fait, tous les classiques du rap à l'époque et même aujourd'hui. Hein. Et comme tu fais partie de cette nouvelle génération, puisque t'as 19 piges, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Parmi la nouvelle scène rap française, il y a des gens qui touchent, des gens que t'aimes bien. Ouais, ben forcément, hein, j'aime bien Sadek, j'aime bien Jarod qui est avec nous d'ailleurs en ce moment. Le fameux caméléon. Le fameux caméléon. Monsieur Jarod. Salut Fred, ça va? Encore camouflé. Encore camouflé. À chaque fois, tu me vois pas arriver. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme. Super. Et bah content que tu sois là aussi. Ah, on est venu pour Missa et Kujo, hein. Je sais. T'avais pas le choix. Bah ouais. T'avais pas le choix. Bon, tout se passe bien aussi pour Jarod, hein, qui a sorti un projet là, il y a quelques mois de cela. Ouais, même pas là. Le 24 novembre, on l'a sorti. Voilà. Et ça va, ça marche bien, donc c'est cool. Eh bah très bien. Donc Jarod avec nous aussi. Et Missa, donc Jarod, ouais, c'est quelqu'un qui t'a des affinités aussi musicalement parlant. Ouais, exactement. Bon, bah là, on va découvrir un de tes sons. Un autre, qu'est-ce que tu veux qu'on balance? On va balancer. Je pense qu'on va balancer Coca. Ouais, on peut balancer Coca. Ouais. Et ben on va écouter Coca, un petit mot sur le morceau, sur les prods. C'est toutes les prods signées Kujo. Ouais, voilà. Ben en fait, Coca, c'est un son très évasif. En fait, il est chanté au complet. C'est pour montrer un peu. Ouais, tu sais, aussi chanté quoi. Ouais, voilà. C'est artiste complet, c'est ça qui est fort. Ouais. Ça, comment tu l'expliques? C'est cette culture aussi nord-américaine. C'est une influence en fait qui vient d'un peu partout. Et je pense que de nos jours, c'est important et c'est venu naturellement. Donc j'aime beaucoup chanter. Donc je le fais dès que je peux et je le fais sur des prods où ça peut se faire. Donc voilà. Et bon, on l'écoute maintenant. Qu'on travaille tout le temps et qu'il n'y a pas de retour. Rebemate le flow si tu laisses là une bouée de secours. J'suis ce petit nouveau qui a même style que t'avais jamais vu. J'attends pour la fusée, tous ces MC sont à l'arrêt de bus. Ouais, les mecs abusent, les mêmes thèmes et les mêmes flows. Les mêmes instruits, les mêmes mots, les mecs se tapent, même les mêmes go. Hey. J'rajoute du jack dans mon coca. J'suis dans le building, t'es qu'un rappeur local. Ils cesseront pas de m'étonner, j'kiffe quand ils me traitent de connard. Pour marquer j'avais besoin d'un coup de main. Maradona, j'suis arrivé mon gars, le respect c'est une chose du light click, on est juste un petit peu au-dessus. Light click, ce genre de merde que t'avais jamais vu avant. Deux bouteilles de jack, une bouteille de coca. Deux bouteilles de jack, une bouteille de coca. Deux bouteilles de jack, une bouteille de coca. Deux bouteilles de jack, deux bouteilles de jack. Deux bouteilles de jack, une bouteille de coca. Deux bouteilles de jack, une bouteille de coca. J'suis à l'aise avec tous mes gars. Laisse parler les autres, mes plans tu les connais pas. J'vis pour ces soirées où la musique est bonne. Les meufs aussi, tellement éphémères. Ouais, la mort se résume à nos vies. J'suis intoxiqué, qu'est-ce t'as à t'exciter? Ouais, ta meuf nous kiffe, qu'est-ce tu veux que je te dise? Elle aime la clique et on lui fait visiter tout de pise. Hey, faut de la monnaie, les tasques ça suffira jamais. Faut des liasses d'euros et des putains de grosses fesses à claquer. Faut de l'oseille, te chicocori à crack. J'veux une bouteille de coca, deux bouteilles de jack. Hey, bonne année à tout le monde là. Bonne année 2015. Ambiancez-vous. Plein de bonnes choses. Rap français, planète rap. La nocturne. Billet première classe vers la money. Ils voient le million comme une meuf trop bonne pour eux. Shit. Strong, simple. Light. Nouveau rubber, mais nouveau flow. Voilà. Turn up. On fait tout pour le parmigiano. Ils voient le million comme une meuf trop bonne pour eux. Je suis en train d'avoir son 06. Ça me fait massage érotique en apéritif. Et mes mélodies confirment que tu es numéro 10. Hier ma meuf m'a largué. Ce matin mon boss m'a renvoyé. Voyons, ici chacun avance selon ses moyens. Cours après l'oseille si t'es un vaillant. Tous les jours j'essaie de réduire l'écart entre mon rêve et mon plan. Trois piges que j'ai rien sorti, j'ai la haine, rebeu, je te jure, j'ai perdu mon temps. Wesh, une zoulette ça reste une zoulette et au quartier on les voit vite. Là où j'habite définit mes tactiques, mes amis sûrs et mes habitudes. Notre attitude tire dans la tête de nos aptitudes. Light. Dommage, votre inquiétude devrait être la montée de mon aptitude. Première classe vers la monnaie, billet première classe vers la monnaie, billet première classe vers la monnaie, billet première classe vers la monnaie, billet première classe vers la monnaie, billet première classe vers la monnaie. Chaque matin je me lève en disant, chaque matin je me lève en disant que je vais toucher un million. Chaque matin je me lève en disant, je vais toucher un million. Chaque matin je me lève en disant, je vais toucher un million. Il faut qu'il y ait un million. Billet première classe vers la monnaie. Tu me verras pas en featuring, nique leur mère, j'ai pas 2000 E. Tu veux des thunes pour ton couplet? Je t'envoie chercher des thunes pour ta couplet. J'ai des noms à sortir, j'ai des dossiers lourds. Dans le rap game on n'est jamais couché. Et moi je suis Eric Zemmour. Full spell, nouveau rebeu, nouveau flow. T'as un couteau dans le dos, fais gaffe à ton nouveau rôle. En route vers le bonheur, on se donne la peine. J'taffe tous les jours comme si j'avais trois cartes de crédit pleines. Ouais, tu sens la haine, c'est l'odeur de l'oseille. Dieu est grand, la vie est belle. J'vais les fumer comme si j'avais 15 piges devant 4 ouins. J'ai que je venais de découvrir la beuh. J'rappe devant eux, ils me regardent comme si je venais de découvrir le feu. Ils sont tous mêlés, ils voient tous le chétan comme le messie. Rebeu, je suis indécis, je sais pas encore si je veux le million dans telle ou telle industrie. En ce moment y'a Light qui arrive, y'a moi et mon envie de tous up qui arrive. Octobre 2014, y'a le truc qui arrive. Changement de tarif sur ces rebeux naïfs. Franch te le jure sur ma if, franch te le jure sur ma if. Billet première classe vers la monnaie. Billet première classe vers la monnaie. Billet première classe vers la monnaie. Billet première classe vers la monnaie. Billet première classe vers la monnaie. Billet première classe vers la monnaie. Chaque matin je me lève en disant, chaque matin je me lève en disant que je vais toucher le million. Chaque matin je me lève en disant, je vais toucher le million. Chaque matin je me lève en disant, je vais toucher le million. Il faut qu'il y ait un million. Billet première classe vers la monnaie. Attention, attention à toutes les zoulettes. Octobre 2014, y'a moi et mon envie qui me qui arrive. Le nouveau rebeu avec le nouveau fleur. Ouais. Billet première classe vers la monnaie. C'est la Nocturne avec Missa au contrôle de la Nocturne et ce morceau qui s'appelle Nouveau Rebeu à l'instant sur Skyrock. À découvrir ce soir un artiste venu du Canada, il est là pour conquérir la France, il s'appelle Missa. On le découvre, on peut te suivre où d'ailleurs Missa, toi, pour les gens qui veulent avoir plus d'infos sur toi? Alors sur Facebook, Twitter c'est Missa officiel, sur Instagram c'est Light Click, donc L-Y-T-E, on en parlera un peu plus tard de tout ça. Sinon sur YouTube, même chose, Missa officiel, donc voilà, suivez, followez. Tweet, RT, etc. Ouais, allez-y, balancez. Toi, Jarod, tu l'as découvert comment, Missa? En fait, la connexion s'est faite par rapport... Quand on est parti faire un concert au Québec, à Trois-Rivières, on est passé par Montréal pour faire le freestyle tour. Et on a rencontré Kujo et son équipe, tu vois, Kinaï, Tom, Saramé, tout ça. Et en fait, voilà, c'est Kujo qui m'a fait découvrir Missa. Missa, en fait, je viens de le rencontrer. On s'est rencontré là, ici à Paris. Ouais, mais en fait, il m'avait déjà fait écouter leurs morceaux, Kujo, tout ça, parce que je savais qu'il bossait avec lui. Et j'avais grave kiffé, tu vois, j'avais kiffé l'ambiance. Et là, on s'est retrouvé à faire un petit truc ensemble pour Melty Style là ce matin. Et puis, on a enchaîné. On est venu te voir. Quoi. Et moi j'ai un morceau là dans les mains. Ouais, voilà, mais c'est celui-là qu'on va faire écouter. Le remix. Voilà. Imagine. Ouais. Donc voilà, c'était pour Melty Style. On a fait une vidéo. La vidéo est en ligne et le voilà. Morceau, on va et le morceau, on va le faire. On va vous le faire écouter. On va l'écouter dans un instant. Tu feras du live aussi, Missa, pour avoir un aperçu ce que ça donne en live. Voilà, d'ailleurs, Kujo me racontait que c'est en première partie de La Fouine qu'il t'a découvert, toi, quand il était en concert là-bas au Canada. Ouais, exactement. Donc La Fouine. Et que t'avais 16 piges. Dans mon quartier. Donc ouais, il y a 3 ans. 16 piges. Ouais. J'avais fait la première partie via un rappeur de la région qui m'avait laissé ma chance. Et voilà, en fait, j'avais fait qu'un seul morceau et il y a un contact qui nous avait mis en relation. Donc voilà, en fait, on s'est rencontrés et puis directement on s'est partagé nos sons. Et j'ai tout de suite commencé à travailler sur ces prods parce qu'à l'époque j'avais pas vraiment de producteurs qui m'envoyaient régulièrement des instrus. Ça s'est super bien passé et puis voilà. Et bah l'aventure continue ou commence maintenant. Exact. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Missa? Là on va mettre moi j'ai bien envie de mettre La Saison pour oublier. Ouais. Titre beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, avec un texte on va dire plus conscient. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on va mettre. Bah, on le balance maintenant. Parfait. Entre nos 2000 envies futiles et notre besoin de courir après l'oseille, j'ai toujours du mal à trouver le sommeil. Je repense à mes modèles qui seraient fiers de moi, qui seraient prêts à dire ouais fiston tu fais le poids, du pain sur la planche va avec chaque gueule de bois. En attendant j'ai des blèmes dans la tête et dans la vraie vie aussi. J'avais eu les couilles, ça ferait longtemps que je serais parti d'ici. L'été arrive, la notre génération sera à son meilleur, car le temps disparaît. Tous les péchés se lèvent à la même heure. Quelques verres, quelques joints, quelque part. On est perdu entre quelqu'un qu'on voudrait être et quelqu'un qu'on devient. Donc on essaie tout ce qui passe par le nez. Et j'aiguise ma mine quand j'écris que les minots jetteront leur bœuf pour la cocaïne. Yeah. Lourd profit, drôle de texture. C'est ironique que l'argent facile vienne des drogues dures. Je suis à l'arrière de la tire, je vois les arbres de béton défiler. Je prie à Dieu de continuer l'inspiration, car j'adore ces idées. Et c'est assez dur de maîtriser la relation que j'ai avec le Très-Haut, car mes péchés me donnent pas l'impression réelle que je l'aurais trahi. Que maintenant toutes les forces sont contre moi, que je suis condamné par ces quelques choix. Non, je suis amoureux de la bouteille, toujours les yeux plissés. On aime l'état second, on kiffe hypnotisé. Yeah, mon style s'est bâti à force de chaque mesure battue. Le travail ardu te rendra la tâche facile, hein. Et pendant que la terne tourne comme le joint, l'ennui nous rejoint. Rebeu le gamme, on s'est plaint. On sait très bien qu'aujourd'hui se résume à hier et demain. Hier et demain, hier et demain. Entre les deux, y'a un phénomène bizarre qui m'empêche d'avancer. Rien à raconter, aucune bonne nouvelle à annoncer. Aucune bonne nouvelle à annoncer. Mais on a passé l'hiver, le soleil tape sur ma tête, chaque soir c'est la fête. Ouais, ouais. C'est la saison des bonnes meufs et des gros ouages et des grosses terres. Ça, c'est, c'est la saison pour oublier, c'est la saison pour oublier, c'est la saison pour oublier. Tout le monde fuck, toute la maille que je dois. Fuck, toutes les meufs qui michetonnent. Fuck, tous les mecs qui parlent. Fuck, tout le monde qui se met dans notre chemin. Naturellement, on revient toujours à la case départ, mais sans le bonus, flemmard. Question existentielle dans l'autobus. Si tu savais le nombre de fois où je me suis dit que j'allais changer. Suffit d'un texto qui demande qu'est-ce qui se passe ce soir pour oublier. Je suis convaincu de nos capacités, mais le chétan fait que nous inciter. Il a même pas besoin d'insister, les frères sont déjà décidés. Le ciel est bien dégagé, sur nos têtes le soleil plombe. Mais notre ego et notre fierté va tous nous faire creuser nos tombes. C'est l'histoire d'une génération perdue entre deux autres. On n'apprend pas de nos erreurs, trop on accumule les fautes. Dieu est maître au paradis, mais qui dirige sur terre? Si mon cœur se noircit, ma victoire est éphémère, gros. Ma victoire est éphémère. Mais pourquoi tu te plains? T'as une tête dans les mains, on a des bonnes meufs. C'est l'été, gros, c'est l'été. T'inquiète, on va trouver un plan. T'inquiète pour l'oseille, je te jure, un jour ce sera nous en haut, ce sera nous, gros. Tu vas voir. Pour l'instant, fume ton ouinge, bois ta taille, on s'en bat les couilles. C'est La Nocturne 100% rap français avec Missa au contrôle de La Nocturne. Et une exclue maintenant, parce que t'as un projet qui arrive là, hein, courant de cette année 2015. Voilà, exactement, donc au printemps, y a un projet qui arrive, qui va être très lourd, qui est déjà fini pratiquement. Ça sera quoi, un album ou encore un... Encore un EP. Encore un EP. Donc voilà, je pense que ça va être le même concept en fait. Je vais montrer de quoi je suis capable, mais avec des sons deux fois plus lourds. Et je suis très confiant pour ce projet, j'ai hâte de le publier. Et là d'ailleurs tu es venu avec un morceau en exclu qu'on va balancer, ouais, qui s'appelle Anniversaire. Ouais. Son très ambianceur, comme j'aime beaucoup les soirées, j'aime beaucoup m'ambiancer avec mes potes et tout. On va bien s'entendre. Ouais, voilà. Donc tu vois, pas nécessairement en boîte ou quoi que ce soit, même si dans la chanson je parle un peu de ce thème, mais ouais, c'est un son pur kiff, donc vraiment, je pense que les gens vont kiffer danser et s'ambiancer là-dessus. Et ben, envoyez les réactions 41759 avec le hashtag Skyrock, la nocturne, Missa, M-I-S-A, pour aller cliquer pour tout savoir sur Missa. Et là, on écoute un son qui sortira au printemps sur ton projet, prochaine EP de Missa. Voilà. Toujours discret, mais tu reconnais quand je suis dans la place, la place. Tous dans la boîte, on a grillé direct les michetots et les tasses. On n'est jamais ici. Toujours coincé dans le Kex, mais aujourd'hui c'est ton anniversaire. Donc fais-le, ouais fais-le, ouais fais-le, ouais fais-le, ouais fais-le. Tu peux lancer la maille. Lance. Ouais fais-le, fais-le, fais-le. Tu peux lancer la maille. Un. Nique ta mère si tu t'approches pour la paye ou pour l'oseille. Ouais fais-le, ouais fais-le, ouais fais-le. Lance la maille. Nique ta mère si tu penses nous la faire. Laisse-les parler mal, nous ici on parle monnaie ou bien on parle pas. Et si tu parles mal sur la daronne, potoro y'a pas les tas de pas. Va sur la piste, fais tes bails avec tes meufs, on est venu pour ça. Si je disparais bientôt, gros son, ça arrive. Me demande pas pourquoi. Tu connais, ça s'appelle ton anniversaire. On est dans le truc. Pour l'instant, personne regarde mal, mais je reconnais. Trop de tête, mais bon, je vais pas m'affoler. Surtout bois rien de ce qu'on t'a donné. Donné. Il est même pas minuit. On le fait grave, rebeu, comme si j'avais gagné un milli. On est défoncé depuis midi. Je te le jure sur la tête du Boulaïgui. Toujours discret, mais tu reconnais quand je suis dans la place. La place. Tous dans la boîte, on a grillé direct les michetots et les tasses. On n'est jamais ici. Toujours coincé dans le Kex, mais aujourd'hui c'est ton anniversaire. Donc fais-le, ouais, fais-le, ouais fais-le, ouais, fais-le, ouais fais-le. Tu peux lancer la maille. Lance, lance. Ouais fais-le, fais-le, ouais, fais-le. Tu peux lancer la maille. Lance. Nique ta mère si tu t'approches pour la taille ou pour l'oseille. S'ambiance, ouais, c'est la nouvelle année. Fais-le, ouais, fais-le, ouais, lance la maille. Nique ta mère meilleur si tu vœu. Penses nous la faire. Continue d'y aller, fais tourner les têtes. Ah. Je prends la taille à crédit et j'oublie mes dettes. J'oublie mes dettes. Presque jamais dans le club. Ce soir on est venu pour ça. 1h15 du match, j'ai un nouveau snap. Ma femme est là et elle veut que je la capte. Là je vais me faire griller rebeu à ma table. Y'a une dominicaine qui veut que je lui parle arabe. J'abandonne le projet, je vais direct voir ma meilleure. Avec toutes ses potes qui viennent d'autour du globe, je suis comme au traite. Jack Coca sur la bleue, t'as dans mon viseur. Imagine de quoi j'aurais l'air à désert. Oh, on a la zone, mais c'est pas bientôt fini. La boule dans la cuisine, les filles dans la piscine. T'inquiète, c'est ton anniv même après minuit. Je te le jure sur la tête du boule à Nicky. Toujours discret, mais tu reconnais quand je suis dans la place. La place. Tous dans la boîte, on a grillé direct les michetots et les tasses. On n'est jamais ici. Toujours coincé dans le Kex, mais aujourd'hui c'est ton anniversaire. Donc fais-le, ouais fais-le, ouais fais-le. Tu peux lancer la maille. Lance. Ouais fais-le, fais-le, fais-le, tu peux lancer la maille. Lance. Nique ta mère si tu t'approches pour la taille ou pour l'oseille. Ouais fais-le, ouais fais-le, ouais fais-le, lance la maille. Nique ta mère si tu penses nous la faire. C'est la nocturne 100% rap français, un gros son lourd, ça arrivera donc printemps 2015, là, d'ici quelques mois, Missa. voilà, donc ça arrive printemps 2015 et puis il y aura plein de sons pour s'ambiancer, plein de sons pour réfléchir, plein de sons hardcore pour mettre dans la voiture. Voilà, il y aura vraiment tout exactement comme sur le premier CD mais en mieux en fait. Et bah très bien, donc on a découvert un petit peu Missa, il y a du live qui se prépare dans un instant juste avant. Là, on a un truc tout chaud, un remix d'un de tes morceaux que vous avez fait avec Jarod qui est là aussi qui est passé. Voilà exactement. Donc bonne ambiance. C'est quoi l'histoire de ce remix, les gars? Ouais, en fait, donc durant ma semaine de promo pour ce CD Nouveau Rebeu, ça s'est fait vraiment avec Melty Style en fait. On s'est rencontré avec Jarod et puis on a kické sur le remix de J'imagine. Ça s'est très bien fait et puis j'étais très content du résultat. En fait, il a retaffé un très très gros refrain, très très lourd, et je crois que ça a élevé le son encore plus. Donc voilà. Donc peut-être. Ouais, ah, peur, je pense, pour le son. Et ouais. Franchement, moi j'ai kiffé en tout cas. Tu vois, on l'a fait un peu vraiment à, freestyle, au feeling, quoi. Tu ouais, vois, feeling. Freestyle, mais au final ça donne bien. Et de toute façon, tu le mettras, les gens écouteront. Tu et vois, bah, ils peuvent le retrouver sur internet. Et voilà. Bon, on va même le balancer maintenant. Super. Les amis, avant de passer au live. Voilà. Missa, Jarod. Yeah. 75. Tu connais les bails, my girl. Je suis à Paris depuis que je suis né, j'ai vu des trucs de malade, mec. Je suis faible et limité, mon gars va, j'ai du mal à l'admettre. Fuck ton bar est musical, tu m'excuseras, j'ai pas le même. J'ai peur des amis, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de mal faire. J'ai pas peur de la garba, j'ai peur d'y mêler le zou. J'ai pas peur de te mettre une balle, j'ai peur d'aller au trou. T'as 30 ans, tu fais le dingue, fallait te réveiller tôt. Les petits sont énervés, font les favos quand je tourne le dos. Je vais te faire un truc de grand, joue pas au con, joue pas au con, mon gars va freine. La vie c'est con, ils ont compris que j'avais la dalle, que je lâchais rien. J'avais une part pour mes Gava, ils ont fait les chiens, tu comprends mieux. On t'a dit si, on t'a dit ça, on m'a dit parle peu mais frappe fort. Gava, tu connais pas ma vie, Gava, t'es bon qu'à parler. Tu connais. J'ai pas l'esprit à marrer, j'ai pas le temps de parler. J'ai mon truc à garder, j'ai envie de me parler, sérieux. J'ai la tête dans le sang, l'asphalte m'a fait tomber, c'est ça la scène. Gava, t'es bon qu'à parler. J'ai pas le temps de parler, j'ai mon truc à garder. Gava, t'es bon qu'à parler. J'ai pas le temps de parler, j'ai mon truc à garder. Gava, t'es bon qu'à parler. J'ai pas le temps de parler. Je suis pas du genre à mentir sur ma vie dans mes couplets. Je trace ma route et s'il m'écoute, que Dieu soit loué. J'ai passé des heures à passer mes feuilles, à ne pas passer mes cours. J'ai pensé à passer la balle, mais je prendrai aucun détour. Ouais, plutôt, je sais pas si ça va marcher. Et je me demande si ce pour qui ça a marché. Je me demandais aussi, je suis reconnaissant face au fait que vous l'êtes plus que moi. Et à chaque son sur mes épaules, y a plus de poids. Missa, si j'étais toi, j'irais. Ouais, mais t'es pas moi, mon rebeu. T'étais pas là au début. Quand Vince, Osama et Jam disaient que j'étais au-dessus, j'ai été souvent déçu. Je prends du recul et je me dis que c'est que le début de mon vécu. J'imagine si je pouvais recommencer. Les mêmes choix, les mêmes potes qui m'ont tellement aidé. Et j'ai le choix, la vie est devant moi. J'imagine, demain c'est loin mais pas tant que ça. Demain c'est loin mais pas tant que ça. Tant que ça. Donc imagine, ouais j'ai toute la vie devant moi. Toute la vie devant moi. Tu connais pas ma vie, gava t'es bon qu'à parler. Tu connais. J'ai pas l'esprit à marrer, j'ai pas le temps de parler. J'ai mon truc à garder, j'ai envie de me parler, sérieux. J'ai la tête dans le son, l'asphalte m'a fait tomber, c'est ça la scène. Ça, Jarod. Gava t'es bon qu'à parler, j'ai pas le temps de parler. 7-5, like click. Gava t'es bon qu'à parler, j'ai pas le temps de parler. J'ai mon truc à garder. Ah bon? Gava t'es bon qu'à parler. J'ai pas le temps de parler. Aïe gros. Gas Rock G, Dom, Kinaï. C'est Missa au contrôle de la Nocturne avec Jarod à l'instant pour ce remix. Donc gros remix qu'on peut trouver sur le net, hein, c'est ça, on peut aller cliquer et retrouver le remix. Yes, le site c'est Melty Style. Il sera sur YouTube, mais vous pouvez aller voir sur le site Melty Style. Et vous allez cliquer, vous retrouverez ce morceau de Missa et Jarod. Voilà, filmé en mode session studio à la cool. Voilà. Eh bah très bien, allez cliquer. On va passer au live maintenant, si Missa t'es prêt. Yes. Eh bah session freestyle dans la Nocturne de Planète Rap. Light. Light. flex. Entre vous et moi, moi, je crois que j'ai déjà fait le taf, taf. T'avais rendu service aujourd'hui, Zarma, tu t'en rappelles pas? J'ai un Blackberry pour mes hauts, j'ai un iPod pour mes sons, j'ai un iPhone pour mes reines, et mes trois cartes mémoire sont pleines, pleines. Donc j'ai aucun plaisir, Roya, quand je suis en boîte, ouais, bloqué entre quatre murs, on devient psychopathe, ouais, j'aime pas à quatre pattes, pourtant je déteste les chiennes, mais y'a aucun rappeur qui veut pas faire de scène, elle m'envoie un texto. Pour me demander pourquoi je réponds pas au texto. Soit elle est conne, soit elle est amoureuse. Mais dans les deux cas, ses chances sont tombées à zéro. Je l'ai déjà baisé, donc ça m'intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse plus, donc je redonne aucun signe. Et maintenant, rebeu, tu comprends un peu mieux pourquoi je veux aucun de ces rappeurs en featuring. Tout ce qu'ils veulent, c'est des schnecks sur des schnecks sur des schnecks. Je veux des chèques sur des chèques sur des chèques sur des chèques. Et je suis conscient que pour y arriver, va falloir essuyer échec sur échec. Alors cet été, j'ai baisé la meuf d'un de mes haineux. Cet été, j'ai baisé la meuf d'un de mes haineux. Ouais, je lui ai fait l'amour, mais l'amour et la haine sont si proches que j'ai fini par mêler. Je l'ai l'un mais mis ça a pris le dessus. Brolique verbale mais j'ai enlevé la sécu. Nanana mais mis ça a pris le dessus. Je suis fier de mes sauces mais mes feux me m'ont déçu. Je peux te respecter si tu t'es fait baiser et qu'ensuite t'es retourné régler tous tes comptes. Mais elle s'est fait zup comme une tape et elle est retournée comme une débutante. Wesh, wesh. Et je veux même pas voir sa tête quand elle va se faire cash. Bref, parlons monnaie ou parlons pas. J'ai presque plus de voix pour faire du buzz, est-ce que je laisse pousser ma barbe et je deviens Benoît? Esprit comme ça, esprit comme ça. Non, c'est moi, je serai jamais Zarma, que c'est plus que du peur. Ah, j'ai reçu un appel de coach, je vais voir sur mon mail, c'est des nouvelles instrus. J'appelle direct à Quest pour une session avant même de les avoir tout entendu. Jamais choisi la facilité, mais demain elle commence à m'irriter. Ouais, ça sent la rentabilité. Ouais, ça sent la rentabilité. Light click, light click, light click. Violent, violent, violent. Ouais. Grosse dédicace à tous mes gars. Light. Du Mont Bleu à Bebeloued, rebe. Ça commence par vouloir ressembler aux aînés. Tout petit on les a observés, c'était notre télé. Je vois le peur à différemment. Une meuf que je kiffe mais que j'irai quand même qu'un Othello. Compte à zéro, tant que je joue j'ai pas perdu. Rahim rappait ses textes, Mohan lui faisait ses instrus. À cerise sur le ghetto, j'ai dû l'écouter mille fois. J'abuse pas, c'était le retour du hard. C'était le putain de début de Bouska. P, moi je voulais juste rapper, écrire un texte, le délire qu'on s'est déjà tous tapé. Aujourd'hui je suis reconnaissant, ma présence, leur descente. Moi je veux tous les euros, les dinars, les pesos. Faut aller home, aucun d'eux m'a jamais fait peur. Pas une seule fois j'ai eu le doute qu'ils étaient meilleurs. D'où je viens, Kuba, Bebeloued, 142, rue des boulots. Trop de flow, je vais crever sous l'eau. J'ai une dette envers la vie que Dieu et ma mère m'ont donnée. Et tu crois que je vais la passer à chercher la monnaie? Pour l'instant ici on rame, au bled c'est le haraga. On a tout mais on tease, on fume et on se bagarre. J'ai à baiser la France comme la France l'a fait Flahoma. Ah putain, ok. Lourd, okay. Charotte 75, check. Tu connais les bails ma gueule, on est hâte. Tu connais les bails ma gueule, on est hâte. Tu connais les bails ma gueule, on est hâte. Tu connais les bails ma gueule, on est allié. Je frappe tellement fort, j'ai changé leur visage. J'ai des années dans l'adoption, encore là c'est bizarre. On est chavou juste quand il faut, on t'allume pour un coup de froid. On est chavou même quand il caille, on a grandi dans le blizzard. Boum sur ton torse, sous le pull, j'ai vu ta peau. Je quitte le placard, je suis resté parano. Tu jactes sur les gens en équipe, tu fais la go. Tu caves pour ton pote, je m'éloigne de tes ragots. Fuck ton rap game, y'a plus d'hommes dans la dancehall. Tu connais le tarif, c'est tarif pour faire un trou dans le sac neuf. Tu connais Vousner, tu connais Bazou, y'a pas de bluff. Je lui ai mis dans la tête et je l'ai écouté mal bœuf. Je parle pour mes potes en tôle qui attendent Noël. Je parle en connaissance de cause m'amène. Je parle à tous les zoulous qui zigzagent la night. Je parle à tous les joueurs qui comprennent la vibe. 7-5, tu veux qu'on cesse qu'un pose 5 blends. Je les ai rendus dingues, je fous le delboard dans Schengen. Wow. Si je m'éteins, ce sera une balle dans le dos. C'est tellement chaud que tu peux même pas confier le flow. Viens pas me raconter ta vie poteau. Yeah, yeah, yeah. Viens pas me raconter ta vie poteau. Yeah, yeah, yeah. Viens pas me raconter ta vie poteau. Yeah, Yeah. Viens pas me raconter ta vie poto. Viens pas me raconter ta vie poto. Je suis sur un bail Gava. Tu fais le foot devant l'équipe, tu t'étonnes quand je sors un 9. Si donne le contrat, je paiera pour les thunes, pas pour les likes. Sors un mic, si plus la merde, c'est parce qu'ils sont sous mes Nike. Je connais Dexter, Gava, je suis dans l'expertise. Quand je détruis des phases B, c'est juste un exercice. Leur APFR est possédé. Normal les mecs sortisent. Font les restes à son niveau, donc faut qu'on l'exorcise. Beaucoup de haine à donner, j'écris des trucs de malade. J'ai pas le temps, je veux de la monnaie. Viens pas me raconter tes salades. Moi j'essaie de rester bavon, j'sais que mon équipe est solide. Tu me dois des soupes et moi si tu veux pas que je te prenne ton bolide. Fais le gangster, passe un mauvais quart d'heure. 156 bang bang, t'as la cité Carter. Tu connais les trucs, sors un hit ou alors ferme ta gueule et viens écouter quand on kick. T'as ce qu'il nous faut pour être content. Avec tout ce que je t'ai dit, ouais, je t'assure que ça t'en m'attend. Crois pas que t'es un combattant, gars, je t'assure t'as rien d'épatant. Tu veux me faire passer du bon temps, bah transfère-moi un gros montant. Fatigué des putes qui s'efforcent de paraître clean. Ramène des rap pour moi et ma fucking team. Bienvenue dans l'abîme, même la S est fatiguée de nous. Voir en galérien et jamais vers la mec à genoux. Lorsque j'ai démarré, ils se marraient et comparaient. Mon flow a de la merde, aujourd'hui ils sont mal barrés. Je continuerai d'en parler tant que ces PD me féliciteront. D'où je viens, les mecs sont cramés et tes paro depuis le bim. Esprit muslim, le paradis c'est ma cible. J'ai tué aucun MC PD, je te le jure sur la Bible. Mais tout ça c'est sans offense, je veux pas rater ma chance. Finir avec mes gars de couleur avant de la blanche. Mais on est là, ouais rebeu on est là. Ouais rebeu on est là, ouais ouais mon rebeu on est là. Et ça fait light click, ouais. Light click, ouais, yeah. Light click, ouais, light click, ouais. On est là mon rebeu. Jarod 75 Nissa. Ok. Light click. Si je devais décharger mon seum sur quelqu'un, je le tuerais. Je crois que mon cœur est saturé. Les forces de l'ordre m'ont ceinturé. Un 11 juin 2008, je coupe ma défonce avec du shit. Oui, j'ai connu toutes sortes de shit. Ton gosse te parle de gangsta shit. La gauche te ment, les ghetto galeries. Y'en a qui toute leur vie vont répéter le même genre de conneries. Y'en a qui toute leur putain de vie vont gober les mêmes disquettes. Gober les mêmes discours, les mêmes qui tapent le 17. Shaitan m'a fait des ristours. Les gars, je vous offre un flashback. Là, y'a des rappeurs qui clashent mal. Y'a des rappeurs qui racaillent. La plupart sont des ratailles. Un shoot dans la tête, les guettes. Aucune chance de connaître le boycott. Sur le terrain, des fois, des rafales pendant que mon boy compte. Nique sa mère, des fois c'est moi qui compte pendant que mon boy guette. Nique sa mère, des fois c'est moi qui guette pendant que mon boy gâte. Hasta la vista, tu reverras plus ton bif. Les carottes, ça va vite. 2013, y'en a qui sont vifs. Wow. 75 Canada, Montréal. C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? Missa, c'est quoi les bails? Marre de battre contre des imbéciles. C'est l'heure d'augmenter marge de profit. Je rappe, je les pèse encore même s'ils sont morts. Je sais pas si je suis nécrophile. Tout est noir, phare éteint, y'a que les capuches qui bougent. Forcément plus glauque et prêt, plus t'as les yeux qui louchent. Nous on connaît pas vos plans. On vous prend même pas en compte. Ils comprennent pas ce qu'on vend. Ils continuent de parler mais laisse-les, ils vont tout passer. Dieu est dans ma tête, du diable est sur mon trajet. Y'a 5 ans je kiffais le rap, aujourd'hui la maille. J'ai pris en texte, en flow, en voix, autant que j'ai pris en taille. J'ai jamais parlé, nanana. Ouais, 7-5, ouais, c'est ouais, le 7-5, ouais. C'est Montréal. Et c'est le 7-5, c'est Montréal, mon gars, et c'est le 7-5. J'ai perdu tout espoir en l'être humain, j'attire les regards quand je suis tout seul. J'ai pas de projet pour toi si ce n'est de brûler les seufs. 7-5-0-19, on s'entend mal avec les keufs. On s'abrite dans les bâtiments, on se fait caler comme avec les meufs. Elle préfère les bâtards au bonhomme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas me transmettre ta jalousie, gars, va me faire pas la bise. J'ai déjà connu la crise, j'ai déjà connu la richesse. Même en pleine chute libre, on sait gérer la vitesse. Si t'es Carter, 5000 euros la night. Fuck un partner, si ce n'est ma paire de Nike. J'ai peur de l'autre, mais l'autre a peur de moi. J'aime pas vos codes, par pitié, me les apprenez pas. J'suis dans un putain de cul-de-sac, à sens unique. Au lieu de te demander qui t'es, demande-toi plutôt qui tu niques. Quand j'dois rapper, j'suis pas payé pour ça. Mais quand j'ai le temps, j'fais du bruit des mots là. Dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville. Dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville. Ouais, ouais. Dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville. Dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville, dans ma ville. Ouais, des fois c'est moche, limite dégueulasse. On calcule pas les cloches, encore moins les trappes. Chacun fait sa life par terre. Chacun fait sa life, laisse faire. Cerné, je me suis fait carnard. Faudrait m'interner, je suis tard et me parle up. Chacun fait sa life par terre. Chacun fait sa life. Passe le wesh, nos idées décollent, nos têtes se synchronisent. Gros chouïam, je pense moi à l'école depuis mon nouveau deal. Mais je devrais pas, pas de magie à closer qui m'hypnotise. On est en bas, mais en haut avec cette herbe et la tige. Relativise et présente tes potes si elles sont pas timides. J'ai pas la cote, même qu'avant tu dirais que j'étais pathétique. Avant les meufs, avant les vices, je pensais qu'à ma musique. Je suis fan de moyen 5, puis je crois que je deviens tout ce que je critique. Nouveau rebe, nouveau flow, j'ai la plus petite équipe. Je suis devenu meilleur rappeur et en même temps pire des types. Je réfléchis mieux moi que j'ai fait envie. Toutes ces meufs pour nous. L'histoire commence. C'était la session live à l'instant avec Missa, avec Sharon. Missa. Merci à vous deux. Merci à toi, Missa. Merci beaucoup. Merci à toi, Fred. Tu te déchires. Et bah, tu sais quoi, Jarod, je te garde. La semaine prochaine, tu reviens pour une nocturne. Sérieux? Bah ouais, on n'a pas eu le temps de la faire la fin de l'année 2014. On va la faire l'année. On va bien attaquer l'année. C'est sympa. Ce sera avec plaisir et je serai ravi de faire écouter les morceaux de l'album aux auditeurs de Skyrock. Et bah, semaine pro, t'es là. Super. Merci, Fred. Tu te déchires. Et merci Missa. Merci beaucoup à toi. Et bah toi, on t'attend donc pour printemps 2015. Voilà, printemps 2015. Et je voudrais passer une grosse dédicace à toute ma Light Click. Donc tous mes gars sûrs, il y en a beaucoup. Hein. Donc Donnel, Imad, tout le monde, Ben. Ah putain, je vais en oublier, c'est sûr. Ah. Ça s'est tendu les dédicaces. Tu vois, tout le monde vraiment. Craven qui a toujours balancé les trucs. Quest, mon gars sûr. Mm. C'est sûr, j'en oublie, mais big up à vous. Vous savez, vous êtes qui. Donc j'en place voilà. 2-3, vous m'excuserez. Vas-y, Jarod. Mon gars va, Croco. Fous, Babs, Babounet, y a rien, Riquet, Crimé, tous nos gars là-bas, là. Tu connais les trucs. En même temps, toi, si t'en oublies, tu reviens la semaine pro. Donc. Ouais, t'inquiète pas, je reviens. Je vais faire une liste, moi tu aussi. Tu pourras faire la liste pour la semaine pro. Parce que Missa aussi, il avait une liste, mais elle a oublié. Elle a oublié. Exactement. Missa, il va rentrer, il va se faire tricard direct. Non, ça va. En plus, il vient de loin. Ouais. Putain, ils vont avoir line, hein. Ils vont dire, il va pas retourner maintenant. Il nous pas, a oublié. Ils vont pas le laisser rentrer sur le territoire. Je te jure. Bon, ok, tu seras toujours le bienvenu. Merci à toi, Missa, et bon courage pour la suite. Merci. Il y a le projet, donc là, déjà, on peut avoir nouveau rebeu. Hein. Voilà. On peut aller cliquer et retrouver donc le EP. Disponible toujours, donc allez saigner ça, allez écouter ça, chercher un peu, j'ai plein de sons partout, très productif, je vais continuer de sortir des trucs, donc restez à l'affût et Light Click, Missa. Et puis t'as un sacré producteur à tes côtés, Kujo, qu'on remercie d'avoir été là avec nous ce soir. Kujo, merci à toi. Merci Fred de nous avoir reçus à la nocturne. Et bon, t'attends aussi quand tu veux avec des nouveaux projets. Ouais, bien sûr, je vais placer une spéciale dédicace à tous les fans de rap, leur souhaiter une belle année 2015. Suivez Missa, le projet Nouveau Rebeu, il est gratuit, donc un téléchargement gratuit. Vous pouvez le trouver sur hauteculture.com ou sur YouTube ou sur Internet en général. Et évidemment, on arrive avec un nouveau projet au printemps pour vous ambiancer, quoi. Tu vois. Donc, spéciale dédicace à Fred, à la Nocturne, à Sky aussi. Eh ben, merci à toi, Kujo. Merci à Missa, à Jarod. Merci à vous tous. Les messages 41759. Et la Nocturne continue maintenant sur Skyrock. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La Nocturne. Et la Nocturne, ça continue avec le son d'Ossé qui arrive aujourd'hui. Le Dor, c'est le nom de ce morceau. Et puis après, il y a le nouveau Caris aussi à écouter, Magnum, dans la Nocturne, 100% rap français. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 mm. 9 mm. Pour la plupart 9 mm. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 mm. J'attends que la banque m'envoie mon nouveau chéquier. Les entiers récupèrent leur terre au béquet. C'est elle pour un mes frères. Si tu m'amènes jamais, je l'ai encore tiré sur son père. Mais faut jamais dire jamais. J'viens du dehors, Igo, j'viens du dehors. J'suis pas obsédé que par l'argent, non, Igo, j'veux aussi de l'or. On va tous crever un jour ou l'autre. Donc je vis la nuit. Comme dit mon négro Bloodsverse, ces enculés veulent boire, mais ils attendent après la pluie. 4-5 ma zone géographique implantée dans le buis comme les Nawash en Afrique. Chaque jour je prie Dieu de pardonner à connard mon espèce d'avoir trouvé sa voie dans le trafic. Dieu, pur produit de cet environnement. La course au capital comme slogan. Prêt à fumer, femme en vent. Comme une attaque au phosphore blanc. Équipe sous CR, mardi, 6h, sautage, sans faire toc toc. Embrouille, raté, guerre de succession de roues, ne fait même pas. T'es sérieux quand tu dis que j'ai changé? Wesh, t'es sérieux quand tu dis que j'ai changé? A peine j'ai signé que t'oublies Jack, y'a peu de temps, je comptais par 5G, dis j'ai changé. J'ai vendu de la drogue à des mères parfois en bas âge. Que les choses soient claires, je suis pas un exemple. Je suis ici que de passage, venu faire mon braquage. Dieu, c'est la plus grande ruse du diable. Et vous faire croire qu'il n'existe pas pour de vrai. La plus grande ruse du système fait vous faire croire que les rappeurs allez vous sauver. Comme toi, je rien de plus qu'un pion dans une machination qui me dépasse. Je ferai la révolution après-demain, garde-main. J'ai un rancard avec une de ces tasses. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 mm. 9 mm. Pour la plupart 9 mm. Je roule avec des frérots érudits et des illettrés. Pour la plupart 9 mm. J'attends que la banque m'envoie mon nouveau chéquier. Les entiers récupèrent leur terre au béquet. C'est elle pour eux, mon frère. Si tu m'amènes jamais, j'ai encore tiré sur son père. Mais faut jamais dire jamais. J'viens du dehors, Igo, j'viens du dehors.

Ah, le point est gâté, bip bip. Moi je te rappelle si je trouve une cabine. Je te paye si je trouve une combine. Sur la tête de mon Bob Lacoste. Viens, on va s'ambiancer. Combine, pose négro, pour arranger l'extincteur et la crosse. P.A.L.3. Yes, yes. Les baskets dans le vide. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On a dans le sang, on peut pas changer. Nouveau son d'Aliem avant celui d'Alibi. Hi. Écoute bien. À l'époque, je me souviens, j'avais rien. En chien du soir au matin, je sais pas combien, mais on était plein à squatter ce putain de terrain. À squatter ce putain de terrain. À squatter ce putain de terrain. La roulée, c'est te tend la main. Trafic de shit, de compte d'être humain. Faut être malin, un peu gueudin. On sait que la fin, je suffis les moyens. Je m'éteins comme ce pantin de pas de pantin. Je suis pas pétain, je donne pas les miens, moi c'est... sont tous à la ramasse. Une vidéo sur un site porno suffit pour faire jacter et manipuler la masse. Depuis 99 j'ai présenté 200 feats par an, le clément enclenché. Le son gâté, le son cloqué. Tête pas de qualité, je suis bien son padré. Tranquillement on revient faire du sale. À bout portant on les cale à la chale. J'ai stoppé, arrêtons d'allaiter. Les cas sont que t'es efficace à verrer. Non je n'ai jamais rappé pour le trône. Rappé pour le trône, rappé pour le trône. Plutôt qu'on se rend galère dans la zone. Galère dans la zone, galère dans la zone. Ceux qui ne parlent que derrière je les baise. Je les baise, je les baise. Ne m'appelle pas en tiers, trop t'es un tiers. Pour le hip-hop j'ai tellement donné. J'ai tout niqué avec de l'indé. L'autant hip-hop j'ai tellement brossé. Sarkozy voulait me condamner. Ouh, je laisse parler les langues de pute. Je laisse parler les fils de pute. Car les vrais me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent. Je fais qu'à la chute sous du cul de ces tabas. Pas beaucoup d'hommes dans ce game, trop de lance. Je fais qu'à la chute sous du cul de ces tabas. Ils sont tous à la ramasse. T'as ma parole, je vais tous les baiser. L'enrouler dessus en 4-4 les écraser. AK-47 dans leur mer. Le premier coup peut date pas hier. Rien des macabres dans le froco. Boucherie, tuerie, le tout nouveau flow. J'avais du buzz avant like et tweet. Demande à ta mère et suce la bite. Y'a la fin de la calage négro. Y'a je suis toujours ghetto négro. Combien de fois j'ai posé dans leur putain d'album pour épauler ces putains de chiens. Ils me regardent dans les yeux et disent devant tout le monde que je n'ai pas aidé ces putains. Enda Hood, Bouz Café, j'en ai tellement aidé, je peux pas tous les compter. J'ai fait le travail du ONG. Ferme ta gueule et veux t'enrouler. Le rap en pas, je l'ai tellement réparé. Bouton, H, j'ai déjà parlé. J'étais la menace et le record. Ils suçaient des bits quand j'étais hardcore. Ils ont eu de la promotion, même pas. Deux filles les mettent dans le cul de ces contrats. Ils ont de la rompue, j'ai même pas pourquoi. Ils ont tapiné grand bien plus dans les bois. Parler hip hop comme un crève la dalle. Sans voir le pied de ces grosses pédales. Zozo va cabou vont leur trou de balle. Il en faut qu'à lâcher hôpital. Lâcher hôpital, lâcher hôpital. Je fais qu'à lâcher trou du cul de ces tabas. Pas beaucoup d'hommes dans ce game, trop de l'homme. Je fais qu'à lâcher trou du cul de ces tabas. La planète rap sur Skyrock. Je cours après l'or, toi l'os, why not? Donc faut t'appeler Yunch chez nous. La famille sert de machine quand faut laver le linge. La faucheuse m'a dit j'étais à l'œil. Je lui ai dit je suis pas d'humeur à temps. Les mecs comme moi ne changent pas, non. Ils essayent mais ils meurent avant. Et t'attends, ouais, t'attends que la chance te fasse la cour, waouh. Pendant ce temps t'as 206 attends que tu refasses la cour, waouh. Non, non, je suis pas le gentil nègre, moi je suis l'autre. Tu vois lequel, ils ont essayé de tuer Nak, mais je respire. Try again, égalité des sexes. Donc le chasseur tire sur les femelles, même sans manifler, fait manre. Tire le t-shirt des femelles, des réglos. Donc forcément un chétan, c'est le pressant. Qu'est-ce qui te prend, t'as peur de quoi? Je prends la pilule, puis on le fait sans. La punchline, carambar, s'en va. Abracadabra, la baraka, frappe à la porte. Ah ça va, c'est Ibrak à la balle. Je suis qu'un homme, j'ai dit pardon. Beaucoup de fois, j'en mérite un. Ne trahis pas, les videurs russes n'ont pas de coup de poing. Américain. Je voulais juste qu'on m'acclame juste une fois. Juste une fois. Parfois j'ai des pensées macabres. Excuse-moi, excuse-moi. Je fais pas confiance aux pare-balles. Qu'est-ce tu crois? Qu'est-ce tu crois? Viens t'asseoir à ma table, qu'est-ce tu bois? De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude avec une putain d'attitude, yeah. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Et prendre de l'altitude, mais quand je sors de l'altitude, yeah. On râle, du coup on rame comme les féministes contre Boko Haram. Négro arabe, Y'a beaucoup trop de jeunes perdus, j'en veux beaucoup rap. J'ai des gros bras, eh. C'est pas des hommes de main, non, négro, c'est la salle. L'artistique se fait rare, comme l'armistice au clos Saint-Lazare. J'cotise pour ma retraite, pendant que les autres se marrent, traînent, j'cote, eh. Petite parenthèse, on perd le match, fais-moi rentrer, coach. La France m'a dit, petit bon lezard, j'ai faim, pas casse les sandwichs. Ils peuvent plus penser sans tweet, tout est mort à faire classer sans suite. S'ils parlent trop, trop, un mafioso ne fera pas de vieux zo, zo. Ils se mettent de dos pour pouvoir rire en douce des blagues de judo. Donc passe encore qu'ils nous fassent qu'on réponde, ça fait golemonde. C'est pas parce que je finis pas mon plat de que je m'en bats les couilles de la fin dans le monde. Je suis à la fois cool et dur. Vous m'aimez, vous êtes sûr. Et les gens disent que t'es un mec en or, moi j'aimerais te rouler dessus. Et y'a le feu et t'es vêtu de paille. Le SMIC de quelle vie tu me parles. Je pense que la méfiance ne tue pas. Je veux qu'on paye avant la fin du bal. Je voulais juste qu'on m'acclame juste une fois. Parfois j'ai des pensées macabres. Excuse-moi. Je fais pas confiance aux pare-balles. Qu'est-ce que tu crois? Viens t'asseoir à ma table, qu'est-ce que tu bois? De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude avec une putain d'attitude, yeah. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Ils prennent de l'altitude, mais quand je sors de l'altitude, yeah. Ils trouvent que leur vie est belle, ok. Dans ce cas, je trouve la note magique. Si y'a 40 piges, t'es encore dans le hall. C'est que t'es un keuf ou un nostalgique. Les couples sont foutus et vos conflits, ben, honnêtement, ils sont futiles. Non, ma chérie, t'as pas grossi, c'est tes vêtements qui sont plus petits. Inhale, ressens l'ivresse. Fiston, y'a pas de guerre sans défaite. Ils veulent régner sans saigner. Perso, c'est ma version des faibles. Je suis avec eux, mais en vrai, je suis loin. On le sait bien, hein. S'il n'y avait que des rappeurs vrais, refrais, on serait un. Je voulais juste qu'on m'acclame juste une fois. Parfois, j'ai des pensées macabres. Excuse-moi. Je fais pas confiance aux pare-balles. Qu'est-ce que tu crois? Viens t'asseoir à ma table, qu'est-ce que tu bois? De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. De l'altitude avec une putain d'attitude, yeah. De l'altitude, j'arrête pas de prendre de l'altitude. Et prendre de l'altitude, mais quand je sors de l'altitude, yeah. En vrai, je suis loin. Même dans un. On le sait bien, s'il n'y avait que des rappeurs vrais, on serait un. Le morceau s'appelle Altitude. Dans la nocturne 100% rap français, Nak Mendoza. Message 41759 avec le hashtag Skyrock, c'est la nocturne 100% rap français. Gizmo qui se prépare. Planète rap. 100% rap français. Grec et W, Villeneuve la Garenne, VLT, L2C. On dit ça bouge pas. C'est juste nous qui faisons du surplace. Un coup de chat serait bienvenu au milieu de sépulcras. Une bûche sur l'avenue. Comme d'hab, on se couche tard. Tous partent du mauvais pied, un peu comme un cul de chat. Pas de Gucci, mais j'ai la dégaine. Rendez-vous ici, elles veulent se faire belle. À base de Sissi, à base de Henken. J'suis à la Tessie, j'm'en pète de cette pièce. J'ai du bif à faire, des textes à gratter. Lascar à voir, Kalash Tom est malé. Fille de quartier dans une ville de tarté. Où n'importe qui peut se faire avaler. Merde, Valentin, c'est bang bang story. Très très torride, on est des terres promis. Cesse ses bolis, fier au promis. Pour la money, prêt à faire une folie. Et vas-y, reste poli. Quand tu vois ce une peau, y'a du bédo gravé, des vrais nombo. Y'a des tarpés dans la caf, mais quand t'allumes en rafale avec une main, si t'es chaud, demande à Tomso. On va vous domso. Quel détasse, mon gars Omso. J'suis désolé, mais faut des PC, t'as ceci à plus d'euros. Et bah dans le zoo, elles iront faire des passes, c'est qu'une affaire de cash. Y'a pas de scrupules, avant le H, j'ai le crépuscule. J'connais des gars un peu minuscules. J'y les barbares en dessous du pull. Tu t'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu t'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Alors c'est quoi la suite? Soit on se démène pour savoir à qui la faute. On s'enfonce ou on prend la fuite. Ou alors on prend la fraîche et la tête de l'affiche. Mais surtout baisse pas les bras si c'est cramé là où t'habites. Je serai sans pitié avec les deux traits. Pécho de lacet, fais-toi deux traits. On est tombé dans l'alcool, même dans la drogue. Tous les jours on vit avec les regrets. Tous mes frères dans le gamma sont fêlés. Armes de guerre et des grammes sous scellés. Barres de fer, craque de merde, passe de l'herbe. Je crois que je vais les mêler. Bientôt une semaine que j'ai pas vu le jour. Ça met des patates et ça casse du genou. Guise l'imbattable, fuck les bâtards. Puissant comme le Qatar, le départ du coup. Je suis dans les caves du zoo. Faut mieux reculer, à gueuler ça va vite. Mandat sous l'eau, je connais.

te parle, me suis-tu? Quand je pars, me ressens-tu? Quand je te palpe, me vois-tu? Malgré l'écart, y'a tellement de fautes de français qu'on a du mal à se comprendre. Séparé par la virgule, comment veux-tu qu'on s'entende? L'écriture du manchot, c'est écrit entre les lignes. Apparence entre parenthèses quand l'encrier se vide. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Français, planète. Yeah. La nocturne. On repense qu'aux ignorements. 92 en personne, Ray. Exclusivité Skyrock. La nocturne. Jamba. Big up à Fred. Monte le son. Que tu sois sur le T1. Dans la Gova. Dans la street. Au placard. Jamba. Cigare, texte, qui va chicor. Je vais tous les fumer, on voit les massas. Massa. Bon sang, sauf qu'ils nous partent comme la Jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Les mecs de tête, on meurt, mais on se rend pas. En bas. Je vais tous les fumer, on voit les massas. Massa. Bon sang, sauf qu'ils nous partent comme la Jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Les mecs de test, on meurt mais on se rend pas. Rend pas. Il est des chars et nous des feuilles au CB. Ouais, ouais, ouais, ouais. Les miches tonneuses, ça va le sperme et ta CB. Ouais. Ton monde a des pour en place ton CV. Bah ouais, ça pique rap du Jamba même quand tu fais chiffrer. Même si tu pètes un panama, tu kiffes l'odeur. Laisse Léon les géniales, m'en fait du sale dans la lourdeur. Quand on a intimité, j'enfonce mon doigt d'honneur. J'ai grandi vite comme un pute. Et comme que tu es un killer. Génération kicker. Ouais, je fracasse les beats. La musique, une drogue, je suis un dealer. Alors, Nyama, je t'évite. Si chez toi t'es malin, MC, bâché, nous t'es débile. Inaperçu lorsqu'on distribue la Jamba. Yeah, pour un Philippe. Nyama. Je vais tous les fumer, on voit les massas. Massa. Bon sang, sauf qu'ils nous partent comme la Jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Les mecs de test, on meurt, mais on se rend pas. En bas. Je vais tous les fumer, on voit les massas. Massa. Bon sang, sauf qu'ils nous partent comme la Jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Les mecs de test, on meurt, mais on se rend pas. Passe-moi en mode aquarium, remonte les vitres. La vérité tu y sors quand on est if. Quand tu cartes nos cellules ça fait couler vivre. On sent pas les couilles MC de toi de ta if. Paris on l'en a R ça prend des risques. Ils sont tellement chats qu'ils se vendent des polémiques. Plus tu vas doucement quand tu vois mes gimmicks. Je suis instrument, ceci n'est pas un mythe. Les bras sont cassés les couilles. Des détresses avec un joint de peu. Allume ta chicha pète en trois feuilles. Nyama fais moi 22. C'est moi et mes coronets. Moi j'ai pas besoin d'eux. Non. Le succès ça se consomme vite. Mais les choses bien tu frappes à l'enfeu. On garde à vue, on l'ulcé. La police ne peut pas plumer. Jamais. J'suis un non-fumeur, Nyama, qui a vu ce projet partir en fumée. Nyama. Hier j'ai été bloqué. Donc aujourd'hui je vous la mets. Tiens. J'ai la dalle d'un mec du star. Moi j'suis prêt à niquer des remèdes. Nyama. J'vais tous les fumer, on voit les massas. Massa. Bon sang, sauf qu'ils nous partent comme la Jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Mes mecs de test, on meurt, mais on se rend pas. En bas. J'vais tous les fumer, on voit les massas. Massa. Bon sang, sauf qu'ils nous partent comme la Jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Mes mecs de test, on meurt, mais on se rend pas. En bas.

comme le TRC, par une biflou de la chatte, qui sortent la tête du trou comme la chatte de leur mère, c'est MC qui jatte. La victoire se voit pas à la fin de la bataille, frère, mais au bout du combat, appelle ça combat, combat, coup de mbelli, coup de bat, boum boum bye. Je résiste pour montrer que j'existe, je suis fort, pas faible, j'irai en enfer. Si je me dépêche pas de faire du bien avant de finir, six pieds sous terre. Oh, six têtes sur le terre, et Youssad vers la crise au checker. Très peu d'amis, que des moments d'amitié avant que ses pédales ne s'écartent. Quelques vrais soldats qui m'escortent, et deux ou trois frérots qui m'épaulent. J'ai été lionceau qui rêvait d'horizon. C'est dans la street que je me suis fait solo. Les rumeurs sont comme les tasses, elles traînent dans tous les quartiers. Manquerait plus qu'elles aient des gros aises et une paire de cuisses pour bien écarter. Que personne ne me donne de leçons. J'ai appris à savoir ce qu'il faut, où ils sauront qui nous sommes, nous, le jour où ils sauront d'abord qui ils sont. Je fais de la musique pour donner de la force au brova. Je n'ai pas attendu de reconnaissance, je vais me faire sucer pour un que je sois un bravo. Planète Rap, la nocturne. What else? On a ramené les corps, on a ramené la sable, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les ganda, en coro, le nerf en poids. Tout ça c'est nous, tout ça c'est nous. Je crois qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas que je les baisse depuis. Les dictateurs, ils se battent. La récréation est finie. Chant ma hutte dans mon bunker. Ton rappeur préféré est un pompeur. J'ai trop traîné en bas. Personne ne m'a renvoyé l'ascenseur. Rafa qui s'est pédé. Bambata est bêlé. Afrika, Bambata m'a aidé. J'ai encore la dalle négée, je vais pas céder. Je n'attends pas que P2O me valide pour m'acheter du Versace. Appelle-moi roi du Zaïre. Je n'arrête pas de te le dire. Traîne avec des fouteux, t'as dû me voir dans une soirée ou deux. Regarde-moi bien rageux, je t'envoie une bouteille et je te mets hors jeu. Bolinginini, Atabo, Yini, un drive voyant mini, un crime mondini. On a ramené les corps, on a ramené la sable, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les ganda, en coro, le nerf en poids. Tout ça c'est nous, tout ça c'est nous. Toutes ces bitches ils parlent sur moi, je leur souhaite qu'ils attrapent sida. Tout ceci c'était pas du trap, mais un putain d'assassinat. Nuggets, Ali, Thomas, yeah. Un doc qui dans le poula, yeah. Ça y est, j't'ai pas, yeah. Opération Likofi Kulunada. J'vais entre le bled et Paname. Fisulé au par sa dame. J'dois que les meufs en guise de j'aime. Sur Instagram, toi, arrête tes blabla. Quand on sort le truc, ça fait blabla. Continue aux OP sans la canda. J'faisais des choix à race en Mukanda. J'ai connu trop de galères. Avec les BDJ, j'faisais mon salaire. J'ai beaucoup trop de douleur. Reçois la foudre de ma colère. Aou! On a ramené les corps, on a ramené la sable, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les ganda, en coro, le nerf en poids. Tout ça c'est nous. Ça c'est nous, yeah. 20 ans d'avance sur vous. À l'époque ils foutaient notre gueule. On portait du Versace, des pantalons en cuir. Et aujourd'hui tout le monde porte des pantalons en cuir, ma gueule. Yeah. Trop d'avance, comme Jim Nagios sur Jamel de Bouze. C'est la fin de la nocturne 100% rap français avec à l'instant Poison, Roi du Zaïre. Prochaine nocturne dans une semaine, à pas louper, juste après Default sur Skyrock. Et dès la semaine prochaine, Gims et Mac Taylor qui débarquent dans Planète Rap tous les soirs. Ce sera entre 20h et 21h. Passez une bonne soirée, bonne nuit, bon week-end à tout le monde. C'est reparti, le son de Skyrock. Fabuleux au contrôle, en pleine forme. Qui va nous mixer tout ça, Fabuleux, hein? Ouais, moi je suis chaud. Ouais, voilà, il est bouillant. C'est parti, rap R&B en non-stop. Skyrock, Skyrock, rap R&B non-stop. Stop. Do, do.